Les belles rencontres. Bonjour, je me présente. Je m'appelle Anne Bergeron, artiste peintre. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de vous présenter une artiste sensible et talentueuse du Haut-Saint-François, Danielle Brochu, qui demeure à Dardouest, dans le secteur de Bishopton. Bonjour Danielle. Bonjour Anne. Ça va bien? Ça va bien, oui. Toi? Oui, merci. Bon. Bien, je suis bien heureuse de te recevoir aujourd'hui. Ça fait plaisir. Parce que tu es une artiste depuis toujours au fond de l'âme, parce que tu as touché à beaucoup de choses comme la danse, la musique, le chant, la poésie dessinée, le dessin au fusain, la peinture à l'huile et même la sculpture sur bois. Oui. En fin de compte, toutes quasiment les formes d'art. Pour arriver à toute cette panoplie de talents-là, très jeune, tu as dû être très, très attirée vers l'art. Toujours, toujours. Vers quel âge à peu près? Disons, quand j'étais jeune, 5 ans, ben là, c'est sûr, j'aimais beaucoup colorier. Mm-hmm. J'ai passé des heures à colorier dans tout ce qu'on me donnait pour colorier avec des crayons de cire, des crayons de bois. Oui. Mais j'ai commencé vraiment à... Là, tu le faisais comme ça, jeune? Oui, mais ça me captivait, j'adorais ça. Les couleurs, déjà, t'attiraient? Oui, c'est ça. Mm-hmm. Ah oui, les couleurs, j'adore les couleurs. Et puis après ça, ben vers à peu près 10-11 ans, là, j'ai commencé à dessiner par moi-même. Tu sais, commencé à faire des visages ou bien des animaux, des arbres. Même si tu n'avais pas suivi de cours, tu commençais à faire ça. Oui, j'aimais ça, ça m'attirait. Ah! Oui, ça m'attirait. J'ai fait, j'ai commencé. Là, je me faisais des albums. Là. Ah, tous oui. mes dessins, je les mettais là-dedans. Ah. Je les ai gardés longtemps, à un moment donné. Mm-hmm. Avec la vie des fois, on se dit... C'est ça. Man. Puis on vieillit, puis là, on se dit, j'ai fait ça à 10 ans. À 18 ans, tu trouves ça moins beau, fait que c'est moins important. Là, tu passes à d'autres choses. Et là, je faisais de la peinture, de l'acrylique, du fusain. Est-ce que t'as pris des cours comme le fusain ou l'acrylique? Ben j'ai pris des cours avec Mme Cochrane. Oui, Mme que j'ai adorée, elle était fine. Au Domaine Howard, c'est ça. On faisait des échanges. Moi, j'étais, je posais pour elle. Mm-hmm. Et puis, pour ses classes. Pour les élèves. Habillées, là. Oui. C'était juste pour l'observation. Oui, c'est ça. Puis, en échange, elle me donnait des cours. Ah. Donc, ça a fait ça. Puis, j'étais bien contente. Oui, c'était équitable. Puis, j'ai bien aimé ça. Mm-hmm. Après ça, j'ai commencé à faire de la peinture... de l'acrylique. De par toi-même? Oui, de par moi-même, mais j'ai toujours été attirée. J'avais été voir un orientateur plus jeune, puis il m'avait dit, va-t'en pas à nulle part d'autre que ça. Les arts, c'est pour toi. Tu avais vraiment toutes les cellules connectées pour ça. Oui, rien pour ça. Oui, c'est ça. Puis s'exprimer dans l'art, ça sauve la vie aussi. Hein. Oui, on veut. Tout ce qu'on peut... toutes les épreuves que la vie nous apporte, ça nous nourrit en même temps pour... Oui. Moi, en tout cas, c'est ma planche de salut, c'est là. Puis beaucoup de monde devrait aussi... Oui, tout le monde. Tout le monde. Oui. Parce qu'il y en a, cette valeur, ils pourraient, mais ils disent « Oh, je serais pas bonne » ou « Oh, je suis pas bon » ou ils se donnent pas le... Moi, je me suis toujours donné le la liberté d'être... La liberté puis l'acceptation où est-ce que j'étais rendue. Ah! Parce que, tu sais... Des fois, tu te dis, c'est peut-être pas si beau que ça, mais tu t'exprimes, tu l'as fait, puis ça t'amène ailleurs. Puis j'ai toujours continué, même si des fois, j'aurais pu arrêter en disant, ben là, non, ça a toujours été. Tu avais toujours senti un appel aussi. Oui, toujours, toujours. Puis j'ai toujours accepté ce qui j'étais là-dedans. Mm-hmm. T'as jamais essayé de dire, c'est pas bon, j'arrête. T'es toujours respectée dans... Oui, puis je me disais, hey, je suis capable de faire telle chose, ou je continue. Mm-hmm. Mais j'ai fait toutes sortes d'affaires, même des filets de pêche à 18 ans. Ah ouais. qu'on décorait, tu sais, dans le temps. Ah. Mais... Tout ce qui tombe, toute créativité. Oui, tout. Parce que je sais que tu as fait aussi de la danse, le jazz. Oui, la danse, j'ai adoré. J'ai dansé 15 ans. 15 ans? Oui, 15 ans. Oh là là. Mmh. Ouais. J'ai enseigné 4 ans et demi la danse à des adultes, à des enfants. J'ai bien aimé travailler avec les enfants. Oui. C'est plaisant, les enfants. Ça écoute bien aussi. Oui, c'est ça. On les fait chanter, tourner, danser. Daniel, tu sais. Ouais. J'aime ça, les enfants. Fait que, non, après ça, ben là, puis j'ai commencé la sculpture à l'âge d'à peu près 39-40 ans. Ah oui. Mais entre-temps, avant, comme quand tu faisais de l'acrylique, pourquoi t'as commencé avec l'acrylique plutôt que l'huile? Parce qu'à ces époques-là, on connaissait moins l'acrylique. C'était plus l'huile qui était plus traditionnelle. Ben, je sais pas pourquoi j'ai... peut-être parce que ça séchait vite, je ne sais pas. Ou j'avais peur de m'aventurer dans l'huile, parce que l'huile, je craignais. Tu sais, je me disais... c'est quand même... Il faut que tu manipules l'huile, là, tu sais, c'est pas juste ça. Ben, en tout cas, dans ce que j'ai appris après, il faut lier, Faut lier, oui. Puis dans l'acrylique, j'étais pas obligée de lier. Okay. Mais je faisais des personnages, des chats, des bureaux, tu sais, je faisais... Mais c'est ça qui m'intéressait dans ce temps-là. Je connaissais pas d'autre chose. Puis la peinture, l'huile me faisait peur. Ah oui, OK. Ça m'inquiétait. Tu sais, je me disais comment je vais faire. C'était un médium qui me parlait. Mais comment c'est arrivé, comme tu dis, c'est la sculpture qui t'a attiré vers 39-40 ans, ouais, à peu près. Ouais. Mais c'est sûr que tu avais déjà tout un parcours artistique qui t'avait tout façonné pour arriver à la sculpture, parce que t'as même, c'est ça, la musique. Oui, j'ai fait 3 ans de violoncelle. De violoncelle. Avec ça, Yvonne, qui était patiente. Parce que là, c'est ça, t'as touché à beaucoup de choses. Je sais aussi que t'as, personnellement, que t'as fait de la couture aussi. Oui, j'ai fait de la haute couture. J'ai fait de la haute couture. Tu fais de la création de haute couture aussi. Oui. Avec Madame France Blanchette, que j'ai adorée. Mm-hmm. Elle m'a bien montré, comme on dit. Non, je l'ai beaucoup aimée, cette femme-là. Puis, la couture, c'est toute magie. Couture, tu pars avec un petit bout de tissu, tu arrives à faire une belle robe, un manteau, tu sais, là. Oui. La peinture, c'est la même chose. Tu pars avec un pinceau, une toile plate, tu réussis à... Non, mais c'est vrai! Oui. Puis de la couleur, tu réussis à faire de la dimension là-dedans, c'est beau. La sculpture, c'est la même chose. Tu pars d'un bout de bois carré, que tu dis, mon Dieu, y a-tu quelque chose à cacher là-dedans? Oui, il y a quelque chose à cacher là-dedans. Finalement, on réussit à travailler. Au bout du travail, ben c'est de la magie, finalement. Oui. Bon, c'est sûr qu'il y a du travail, mais c'est magique, pareil. Oui. C'est ça qui est beau. Oui, c'est parce que tu laisses, tu as une communication avec aussi ce que tu fais. Tu te laisses, tu sais, c'est pas académique. Non. Il y a un côté créatif très prononcé. Oui, ça, c'est ma vie, ça. Et puis, aussi, dans la façon dont tu exprimes ton art, en ce moment, tu peins aussi à l'huile depuis quelques années. Oui, ça fait 8-9 ans, là. Puis, question de... Oui, puis tu prends des cours. Oui, j'ai pris des cours avec Jacques Boutin. Oui, Jacques Boutin, ouais. Qui enseigne ici à Estingus, qui vient de Saint-Mathias de Bonneville. Oui, c'est ça. Ouais, un homme... je suis bien heureuse de l'avoir rencontré, puis je suis bien heureuse d'avoir... qui m'a enseigné cette belle technique-là. Oui. On n'avait pas toujours les mêmes idées, ça, il sait, puis moi aussi. Mais pour ce qui est de l'apprentissage, là, j'adore sa technique, j'adore la façon qu'il m'a montré de faire la peinture à l'huile. J'adore ça. J'aime ça. J'aime la peinture à l'huile parce que ça nous donne... Ça nous fait... On peut respirer. Oui. On commence notre pièce, puis le lendemain, on la regarde, puis oups, non, il y a quelque chose qui ne fit pas, il faut l'arranger. Bien, on peut le reprendre, tandis que l'acrylique, c'est fini. Hein. C'est ça, c'est moi, j'aime ça, respirer. T'aimes ça, faire une pièce, vivre avec. Oui, et puis, oui, c'est ça, vit avec. Tu vis avec, puis en vivant avec, tu vois les différents angles. Oui. Fait que c'est... puis je vis vraiment avec, parce que quand je la commence, c'est... je la porte dans ma chambre le soir, je la regarde avant de me coucher. Le matin, quand je me lève, oups, c'est ça que je regarde. Tu sais, là, je l'étudie vraiment, Oui. Puis tu prends conscience que ça, c'est comme tu étais en communion avec. Oui, je suis vraiment en communion avec ces mots. De toute façon, moi, je crois aussi que les toiles ou la sculpture sont dans un genre de vibration, fait que c'est ça que tu fais avec ton art, comme avec ta toile. Ouais. Puis comme ça, t'as vraiment apprécié, t'apprécies vraiment la méthode que Jacques a t'enseigné. Moi, j'adore ça. Vraiment, j'aurais pas voulu apprendre de d'autres personnes que lui. Ah, mais ça, c'est merveilleux. Vraiment. Puis, il est bien gentil. Oui. Ah, ben c'est merveilleux. Ça veut dire que tu peins avec des petits pinceaux aussi. Oui. Oh, mon Dieu, avec Jacques, c'était petit. Ouais. On ne pouvait pas prendre ni des pinceaux droits. C'était des pinceaux ronds, un petit, je me souviens plus du numéro, mais c'était pas un gros numéro. Mais ça nous donne le temps, là, c'est comme du petit pointillé. C'est pas du pointillé parce que c'est on lit la couleur, mais ça donne là, moi en tout cas, c'est une technique que j'ai vraiment, qui va avec moi. Oui. J'aurais pas. Puis tu sais, il y a eu la patience parce qu'il est patient. Puis avec moi, il faut être patient. Mm-hmm. Fait qu'il y a eu la patience là, de me l'apprendre comme il faut. Là. Ça a bien cliqué avec toi-même, oui, de façon. Oh, d'être. Oui. Je voudrais pas d'autres techniques que celle-là. Ah, c'est merveilleux. Mm. Ça veut dire que tu as découvert la peinture à l'huile avec Jacques Boudin? Oui. Okay. À 55 ans, à peu près, là, que là, j'avais le goût. J'avais commencé chez moi à faire de la peinture. Oui. Et puis, là, je me disais, là, je ne ferais pas comme la sculpture, je n'apprendrai pas tout seul, ça me prend quelqu'un là, pour m'en aller plus en ligne droite, là, parce qu'à un moment donné, on vieillit, puis il faut que ça se fasse un petit peu plus vite. Mm-hmm. Fait que j'ai entendu dire qu'il y avait des cours, mais d'animalerie, je me suis dit, bon, Dieu, c'est pas pour moi, ça, c'était pas ça que je voulais faire. Mm-hmm. Mais là, je me suis dit, coudonc, il n'y a pas d'autre place ailleurs, je vais aller voir. Puis finalement, tu sais, je veux dire, il est ouvert, fait qu'on a, il est ouvert à, on n'est pas obligé de faire juste des animaux. Mais j'en ai fait, j'ai fait des poissons, j'ai fait toutes sortes de. T'as fait un chien aussi? J'ai fait le chien de mon garçon, Bibi, qu'elle s'appelle. Et puis il était bien content, puis je l'ai bien réussi. Mm-hmm. Il a reconnu sa chienne, c'était ça l'important. C'est ça. Est-ce que tu as déjà essayé, là tu fais des petits pinceaux, mais est-ce que tu as déjà fait l'expérience de la spatule? Oui, j'ai fait l'expérience de la spatule, ma chère. Mais là, le fait que tu l'as essayé, tu sais que tu préfères la façon dont tu... Oui, c'est ça. C'est pas mon domaine, c'est pas mon médium. On peut appeler ça comme ça, là, mais c'est pas... C'est pas ta façon. Ça va pas avec moi. Là. Non, c'est ça. Non, c'est beau. Beau pour les personnes... qui aime le faire, puis je connais quelqu'un qui, c'est merveilleux ce qu'elle fait, mais pas pour moi. Oui, c'est ça. Au moins, c'est ça. Mais je l'ai essayé. Ça? Tu l'as essayé. Oui, je l'ai essayé, puis c'est pas si mal. Mais non. Faudrait que je te le montre. Ben oui, avec plaisir. À suivre.